watch your shoe, me zo toi tu veux quoi, hein? Wow, hein, abattard, t'as pas dit à la boca. Elle a dit qu'on est maudit, mais elle veut la part du toga. Moi j'avais laissé la collab, c'est technique comme à la yoga. Elle veut billets en dollars, pour l'assister la saga. C'est la saga, on est tout bas. Tout ce qu'il raconte c'est des bobas. MH, c'est la cola. Les tontines attachées, les foulards. Le son est sucré, Coca-Cola. C'est pas ton gars mais tu fais les collages. La petite est fâchée en colère. Elle veut son argent de décembre. Elle se dérange mais on veut pas. On veut pas, les ça. MH, Moja, on dit quoi. C'est comment, c'est toujours soigné. Position bizarre, ce soir ah ouais. J'arrive en bouse, j'arrive en pétard. On va pas Kuma, elle connaît déjà. Dégâts, dégâts, dégâts, dégâts. On va pas comment, elle connaît déjà. Dégâts, dégâts, on est plein de dégâts. Longtemps on va t'éponger, bikini bottom. J'suis le plus petit parmi les Dalton. Tu veux parler de quoi mon ami Fatom. Elle m'a dit c'est trop tentant. Elle veut bouger sur moi, retirer le bottom. J'ai donné un peu, t'as t'en veux des tonnes. Elle veut story comme les Middleton. On a bougé. J'arrive en bouse, j'arrive en pétard.